Il y a des bras qui cherchent une attirance. Il y a des voix qui ont besoin de présence. Dans une guinguette au bord du Bodensee, il y a de la joie à tirer l'arigot. On y danse la polka du cœur brisé en attendant l'alter ego. Il y a des proies qui cherchent la délivrance. Il y a des doigts qui ont besoin d'une alliance. Il y a ceux-là qui cherchent la jouissance. Il y a des bas qui ont besoin d'adhérence. Dans une guinguette au bord du Bodensee, il y a de la joie à tirer l'arigot. On y danse la polka des cœurs brisés en attendant l'alter ego. Il y a des oies qui cherchent un genre en transe. Il y a des rois qui ont besoin d'une descendance. Il y en a parfois qui cherchent la déviance. Il y a des draps qui ont besoin de concurrence. Dans une guinguette au bord du Bodensee, il y a de la joie à tirer l'arigot. On y danse la polka des cœurs brisés en attendant l'alter ego. Il y a des poids qui recherchent une balance. Il y a des voix qui ont besoin de défonce. Il y a des pas qui recherchent la cadence. Il y a des polkas qui ont besoin de sens. Dans une guinguette au bord.